I'd like to thank our guest tonight, Anahi Nersessian. And unfortunately, Kwame Dawes, was not available, but I'm sure we'll try to bring him on the show sometime in the near future. But I'm sure he would support us, and we support him, who made this show possible. Without your support and donations, KFAI would not be possible. You can find more news and info about Right on Radio at kfai.org/program/Right on Radio. Plus, listen to recent episodes on our recently launched podcast found on Spotify, iTunes, and anywhere podcasts can be found. Now, stay tuned to Bonjour, Minnesota. Fresh Air Community Radio is KFAI, 90.3 FM HD, Minneapolis, St. Paul. Online and archived at kfai.org. Radio without boundaries. The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonsoir tout le monde, bonsoir Freddy. Bonsoir Romain, comment ça va? Eh bien, ça va bien, the weather is getting better and warmer, so it's that's great. Seeing the sun, I think, is one of the big thing. Yeah, how are you? I'm good, much better than they are in Texas. Oh, yeah. Tell me about it, yeah. So last week was the interview with Chassa Sartin. From the Cedar. From the Cedar, and who had various experience about France, being a lectrice and doing a study about the racism in the media about Les Bleus during the World Cup and that sort of thing. So that's, I thought it was great. It was very interesting to talk to her and yeah. to have her American perspective to the same problem, which is, you know, discrimination or racism, but in many different ways. Mm-hmm. Because France is very, very different from the US as far as racism, and not that it's better or worse, it's just different. It's just, mm-hmm. So it's interesting to see. The foundations are different. Yeah. As I was mentioning on the first show, France never had any slave on its territory since Saint-Louis. Mm-hmm. So in 1315, everybody who was coming to France that was a slave was freed. So really, the slaves were only in the colonies, which made a difference in the perception. Yes. And the immigration from North Africa mm-hmm. and Africa and other countries really got much bigger after World War II, pretty much. Of course. When they started the decolonization, and in the 50s, 60s, the employment was full blast, and they needed people, they needed workers. Mm-hmm. And so at the time, a lot of people from Algeria or other countries, well, I mean, they were welcome. They were needed, mm-hmm. I should say. That reminds me of a movie that I showed at the Alliance Française years ago called, I think it was Dimanche Inch'Allah. And it was about, if I remember correctly, that was a man coming from Algeria after the war mm-hmm. to help rebuild, et cetera, because France needed, well, workers. Yeah. And his family could not join him. And it took quite a while until the French courts mm-hmm. allowed, and that was a very well-known case by the Conseil d'État, where if you were a foreigner legal in the country, you could have your family join you. Yeah. Le rassemblement familial. Right. But that was a very good movie, and that's exactly what you're describing. That was the situation. We had those men from our, I don't really like to use that term, but our colonies coming to work in France because we needed them. And it was easier for them to come to France speaking the language and things. Mm-hmm. But one of the movies that really had a big impact on me is Ducon La Joie. And the North African get accused of a crime and mm-hmm. they are being the scapegoat. Yeah. Mm-hmm. So it's very interesting to see all the development to the crime and then the scapegoating. But it's that time period. It's like the 60s, 70s, where, you know, a lot of people from North Africa was working a lot in constructions. Mm-hmm. And at that time, there was also the war in Algeria at the beginning of, I mean, the 1962. It ended, but there was also this war climate for a few years that stayed longer than of course the war. Yeah. Yeah. There were a lot of divisions and you know, resentment. I mean, it was fresh. Mm-hmm. So yeah, that was big. So today on this show, we're gonna do a tribute to Philippe Châtel. Mm-hmm. Because he passed away. Exactly. And I posted his obit, an article about him on the Facebook page of Bonjour Minnesota. Yeah, I saw that. Philippe Châtel, he was 72, and he was very well known for a musical mm-hmm. called Émilie Jolie that he created, I think it was in 1979. Yes. And I remember playing a couple of songs from that musical in 2019 to celebrate the 40th anniversary of the musical Émilie Jolie. He did a few other things, of course, and he was known for other things, but Philippe Châtel will forever be, you know, Émilie Jolie's, you know, creator. And it's amazing the number of stars singing on that album. Yeah. Like one that we're going to play is La Chanson du Hérisson. That's Georges Brassens. Mm-hmm. It was Sylvie Vartan. I think there was even Johnny Hallyday. Philippe Châtel's on it too. The most popular singers of the time sang on that album, in that musical. So yeah. That was really big. It was not just like a work that was kind of obscure. That was like the musical. And Starmania came out around the same year. And in Émilie Jolie, one of the songs we're going to listen to is sung by Julien Clerc. His part was the big bird, Le Grand Oiseau. Yeah. To whom Émilie Jolie asks to take her away. All right. The other artist we're going to pay tribute to is fitting with the Black History Month, because after Philippe Châtel, we're going to play music of artists of colors. And we're going to pay tribute to Tonton David. Mm-hmm, who just passed away too. He just passed away. He was pretty young. I mean, he was like 53. I'm like 48. And I remember really well when he had these two very big successes, like in the early 90s, and we're going to play some of them. And after that, it's going to be, you know, artists like Stromae, MC Solar, Maître Gims, Tété, Henri Salvador, probably like BB. I also want to play Nina Simone. Mm-hmm. She has only one song in French. It's Ne me quitte pas. But she lived in France for so long. It's a beautiful version. I think she's very representative of the community. And Josephine Baker, I'm going to play also one song from her. Résistante and Chevalier de la Légion d'honneur. I can't let that slide. Mm-hmm. Well, great. Sounds like a great selection. Right. As always, if I may say. Thank you. And in March, the Alliance Française Minneapolis-Saint-Paul for the month of the Francophonie announced that they were going to celebrate the Caribbean, Les Antilles, with Martinique and Guadeloupe. During the whole month, it's going to be various events celebrating heritage, culture, you know, some writers and some music and that sort of thing. So we are very likely to piggyback on at least one of the show. Of course. To celebrate it. We'll probably do a Celtic show as well for St. Patrick's Day. Of course. In March, and we're going to have the pledge drive. From March 10th to the 19th, we're going to have the pledge drive, and our show is going to be on the 16th. Yes. And I think for that special event, we will be live in the studio. which yeah. we've not done in a long time. Actually, last time was for the fall pledge drive. We're very excited to be able to go back to the studio and record our show live. Yeah, because like to be back. Yeah, there's a very different feel. There are some shows that we thought of, but we decided to postpone, like the show with the TV soundtracks, for example, because we want to talk in between songs about what they represent and remember and share our childhood memories. That's so true. We are keeping this idea in one of our drawers, and we'll take it out once we can go back to the studio safely. And all right, shall we start? Yes. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. On y va, Pogba. The first song we're going to listen to from Émilie Jolie. The first one is La Chanson du Hérisson, and it's interpreted by Georges Brassens and featuring Henri Salvador. Then we're going to listen to Julien Clerc with La Chanson d'Émilie et du Grand Oiseau. Hérisson is hedgehog and Grand Oiseau is big bird. Then another big success of Philippe Châtel is Je t'aime bien Lily. I really like you, Lily. C'est un hérisson qui piquait et qui voulait qu'on le caresse, reste, reste. On le caressait pas, papa, papa. Non, pas parce qu'il piquait pas, mais parce qu'il piquait. C'est un hérisson qui piquait, et qui voulait qu'on caresse, reste, reste. On caressait pas, papa, papa. Non, pas parce qu'il piquait pas, mais parce qu'il piquait. Oh, qu'est-ce qui pique ce hérisson? Oh, quelle est triste sa chanson. Quelle est la fée dans ce livre qui me donnera l'envie de vivre? Quelle est la petite fille aux yeux bleus qui va me rendre heureux? Quelle est la fée dans ce livre qui me donnera l'envie de vivre? Quelle est la petite fille aux yeux bleus qui rendra heureux? Moi, je ne vois que moi, il n'y a que moi dans ce livre-là. Moi, il n'y a que moi dans ce livre-là. Émilie Jolie, tu rêves de voler.

amis avec qui j'ai grandi. Ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu ris sont les mêmes que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur. Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question? Te souviens-tu de ce que tu y as fait? De dire leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, pour sa gueule. Passe le message à ton voisin, pour sa gueule. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, pour sa gueule. Passe le message à ton voisin, pour sa gueule. Passe le message à ton voisin. Ouais, un peuple sans la connaissance de son passé et de sa culture est comme un arbre sans racine. Ouais, vient tonton David et dit yeah, les règles intelligentes pour contrôler la discothèque. Comme dans issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Que tu sois dans la ville ou bien à la campagne, sache qu'il y a de nouveaux DJ qui vont chauffer les danses sales. Avertissement pour tous les sombois dans les parages. Ne les testez pas malheureux, il va y avoir de la casse. La vie de micro sur le rythme très très relax. Je suis méchant sauvage, j'écrase partout où je chatte. Je donne beaucoup de respect pour tous les boss de la capitale. J'assume tout ce que je dis. Je suis un jeune responsable. Prends garde à la tentation car grands sont les pouvoirs du mal. Tous les politiques ne sont que des canailles. Le crime, la pression, la police rendent la vie couchale. Émancipe-toi, c'est comme moi, tu es là. C'est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Dédicace pour nos ayants campés. Autour d'un drapeau, il faut se rassembler. Le rouge pour le sang que l'oppresseur a fait couler. Le vert pour l'Afrique, man, et ses forêts. Jaune pour tout l'or qui nous ont volé. Non, parce qu'on n'est pas blanc, on est tous un peu plus foncé. Symbole d'unité africaine, de solidarité. Noir et blanc en son fondant, c'est ton ton David bien DJ. Issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Tant qu'il y aura dans la ville des promoteurs, des bushmasters, des sélecteurs et des opérateurs, des microphones et des massif, amplificateur, des caissons efficaces, 4 kilos, ça me fait pas peur. On vous dira haut et fort que Pape est un imposteur, que Christophe Colomb n'était qu'un menteur, que le respect des personnes âgées doit être de rigueur, que devant notre père, il faut être à la hauteur. Et vous la gamme, fin, sortez de votre torpeur. Fini le temps des larmes, fini le temps des leurs. On met bon en direct pour toi, c'est la verte des heures. Bientôt sous les pénoles, les ricochets avec fureur. Babylone s'effondrera, je sais que je suis pas un joker. Je demande au quartier de crier en cœur, c'est dédicace pour les blacks, les blancs et les beurs. Quand on David au micro, c'est lui l'avertisseur. C'est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Au micro original, je ne veux pas perdre mon temps. Levez vos yeux, votre cœur vers le Tout-Puissant. Avoir la foi, c'est bien plus fort que d'avoir de l'argent. Regarde la situation, c'est désespérant. Une crise mondiale passe à la quête, le monde est impuissant. Et les choses vont toujours en évoluant. Encore trop de conflits entre les noirs et les blancs. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Il existe une cité en séjour enchanté.

simplement choisi un nouveau livre d'images. Tout doucement, réapprendre à aimer passionnément. Tout simplement, une autre histoire dans un monde différent. Tout simplement, fermez vos pas et sentiments différents. Dans son cœur, dans sa tête. Si encore il m'attend, tout simplement, fermez vos portes et sentiments différents. Tout simplement, fermez vos portes en tant que tel. Dans son cœur, dans sa tête. Changez tout. Derrière les portes du Louvre se trouve le Saint-Groove. À 40 pas de la Joconde, il y a une flèche au stylo rouge. Il faut s'y faufiler de nuit, si possible d'un passe-move, ou que le gardien te couvre, sinon c'est l'alerte rouge. On nous cache des choses, depuis Adam et Ève, le lièvre et la tortue, Paris sur le lièvre. Le vrai, le faux, le vraiment faux, le vrai, c'est faux. C'est vraiment le pogo de la théorie du complot. Certains avaient des allumettes pendant la guerre du feu. Le copain d'une copine a côtoyé Sophie Neveu. Y'a jamais une personne qui a mis le pied sur la lune. On dit que c'est Edith Piaf qui a écrit mon truc en plume. On dit que sur notre planète les petits hommes verront la télé. Et qu'ils sont fascinés par le JT de Jean-Claude Bourré. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Code. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Des tas de secrets d'état sont là devant toi. Un soir dans une ruelle, un homme étrange me déclara que Marilyn Monroe était une fan de Pompidou et qu'elle a déclaré sa flamme en chantant Pompidou. Le Dalai Lama, Serge Lama, Alain Delon sont partis au Tibet pour leur chanter la Madelon. On dit qu'il y a des gens qui sont montés dans des soucoupes, qu'ils ont bu du jus de coco, qu'ils ont coupé en coucou. Juste parce qu'il a parlé du monstre de Roswell, l'armée américaine s'est séparée de Jacques Pradel. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Code. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Code. Chez la et la Joconde étaient des hommes, qu'il y aurait un bug pour fêter le millénium, que certains boulangers font des babas au polonium, qu'ils enrichissent à l'uranium et qu'ils arrosent avec du rhum. Il y a de l'info, de la désinfo et de la désinfo, tout cela n'est pas faux. Dans les Simpsons c'est qui a tué Kelly, mais la question que l'on se pose est qui a tué Kennedy. Dans l'ordre du temple solaire avant, je vois venir des pompiers avec des jerrycans d'essence. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre de Da Vinci Code. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Code. It was Nina Simone with Ne me quitte pas, then Bibi with Tout doucement, and MC Solar with Da Vinci Code. Our contributors help power the content you love. Help fuel our frequencies by becoming a monthly donor at kfai.org/donate. We're excited to present 24 hours of KFAI, Black History Month, Saturday, February 27th. Join me, D. Henry Williams, Grand Diva, from 7 a.m. to 9 a.m. when we have conversation with Sister Barbara Beasley. We'll talk about her 65-year journey as a Black American Catholic nun, her triumphs, her trials. That's 7 a.m. Saturday, February 27th, right here on KFAI. Now we're going to listen to a song who was a one-time hit and I don't think he's done much after that, but he was a teenager at the time, and his name is Rachid, and he's singing the song Le Petit Beurre. And Le Petit Beurre could be translated by the little Arab. He's basically talking about the condition of how perceive some of the North African kids, and they're not necessarily from North Africa. Their parents could be, but they could be raised in France, but the way they are being seen in a very derogatory way, like people are scared of them, you know, and, you know, I'm not going to steal your things or that sort of thing. Then we're going to listen to Trio with Les Extrêmes, the extremes, and he's talking about the extremes in the political spectrum. Then we're going to listen to a song from Daniel Balavoine, who's from about, I'd say, the late 80s, early 90s, called L'Aziza, which is an ode to tolerance. And it's a cover by Fifi. Voudrais bien ma fille Jonathan que mon nom sonne comme un nom d'oiseau. Si dans mon cœur les fleurs se fanent, c'est parce que le bon Dieu a tout beau. Tranquille, je viendrai pas voler ton regarder les alentours en passant avant de foncer tête baissée droit devant. Bienvenue citoyen, voici le monstre étatique qui fera ta nation, ton pays, sa politique. Mon pauvre esprit de rêve te voilà catapulté au milieu des sondages et du journal télévisé. Overdose de crapules noyées dans leur ramage. Mais où se situer dans tout ce paysage? Mais quand l'empire du pire au cœur de ta cité se mettra à sécher l'âme humaine au fond de son grenier, je sais que tu prendras tes convictions à la main, construisant une assise pour se sentir citoyen. Que tu ne vas te faire. Mais les extrêmes, c'est toi, nana. Bienvenue, novice au marché électoral. T'as le temps d'aller s'inscrire. Oublier. Trop de travail. Ou qui s'est érigé un de ses principes moraux. De sentir citoyen et de refuser d'aller sur la bataille. Ils doivent se réjouir envahissant le nerf de la guerre. Combattre la peste brune, toi qui n'as jamais jamais pris le chemin vers les urnes. Il est temps de brandir ses convictions à la main, construisant une assise pour se sentir citoyen. C'est toi, nana. Tu quoi, hein? Quand tu ne votes pas. Mais les extrêmes, c'est toi, nana. Tu veux être une pierre du barrage. Tu sais au moins que tu veux être une pierre du barrage. Alors tu descends dans la rue, combattre la peste brune. Toi qui n'as jamais pris le chemin vers les urnes. Il est temps de brandir ses convictions à la main, construisant une assise pour se sentir citoyen. L'autre, c'est toi, nana. Quand tu ne votes pas. Mais les extrêmes, c'est toi, nana. Enroulée d'un drap court autour de moi, et la ziza, ses yeux remplis de pourquoi, cherche une réponse en moi. Elle veut vraiment que rien ne soit sûr dans tout ce qu'elle croit. Ta couleur et tes mots, tout me va, que tu vives ici ou là-bas. Ce n'est pas un problème pour moi. Ouais, la visa, je te veux si tu veux de moi. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et quand tu marches le soir, oh, ne tremble pas. Laisse glisser les mauvais regards qui pèsent sur toi. Et la ziza, ton étoile jaune c'est ta peau. Oh non, tu n'as pas le choix. Ne la porte pas comme on porte un fardeau. Ta force c'est ton droit. Ta couleur et tes mots, tout me va. Que tu vives ici ou là-bas. Danse avec moi. Si tu crois que ta vie est là, ce n'est pas. Le sable et les dunes, ton soleil, le croissant de lune. L'amour est aveugle, chérie, sont nos différences. Oh, Sahara comme à Paris, nous, ça ira quoi qu'il arrive. Sucré ou salé, j'ai choisi, t'es ma préférence. Ta couleur et tes mots, tout me va. Que tu vives ici ou là-bas. Danse avec moi. Si tu crois que ta vie est là, ce n'est pas un problème pour. Pas de loi contre ça. Ouais. It was Rachid with Le Petit Beurre. Beurre, if you reverse it, stands for Arab in Verlan. Then Trio with Les Extrêmes. And Fefe with L'Aziza. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis, Saint Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Now we're going to listen to Tete, who's really good, and it's an older song, and it's called Fils de Charme. I mean, older song, it's from 2006, not that old. And then we're going to listen to I Am, with a song called Petit Frère, Little Brother, or Young Brother. And Supreme NTM with Pay or Peace. L'empire comme frappé de stupeur ne sait que faire de temps des mois. Acte de l'ère de la terreur où le temps du chacun chez soi. Ouvert le voile des damnés, ses caisses en revente sur ton palier. Fils de Cham chante misère et montre que compte de la lisière. Vienne la pluie, la mie, tombe la grêle. Je plie mes jamais ne m'oublie. À l'heure où sonne l'écorce, je taille la force. Que clean baby, le voici, le voilà. Mon avis, la voilà ma philosophie. À l'heure où pas messieurs, d'oscir ou pire à tout va. Moi, changer le monde, si je veux l'adoucir, à défaut d'en être la lire. Life versus,

voilà pourquoi j'en ris. Ce n'est que le pas quotidien des militaires. Ni ta mère à la guerre, pour qui, pourquoi faire paix. Je donnerai ma vie pour l'avoir de plus près. Je donnerai notre vie pour qu'elle soit vraie. Paix pour l'amour, paix pour la paix de l'âme. Oubliez depuis que l'homme connaît le feu et la puissance de sa flamme. Pas le paix pour le rouge, couleur du sang qui coule. Couleur aussi d'un régime terroriste qui s'écroule. Paix, peace, impossible dans un monde où le vice a dénaturé ses fils et pris le diable pour complice. Les leaders n'ont pas peur trop loin pour sentir l'odeur de la mort. Trop loin du front pour avoir des remords. Paix. Fiction, d'entrée je donne le ton. Il a raison, oui j'ai raison, c'est aux guerres de religion que je fais allusion. Aux civilisations détruites par le simple égoïsme de l'homme. Car de ton frère tu es le prédateur. Tu parles encore de paix, cela m'écœure. Guerre, là n'est pas mon intérêt. Et pourtant je ne crois pas en la paix. Paix, dans un gang je ne fais pas partie. Mais petit à petit, mon posse a grandi. Peace à tous les gens de Saint-Denis. Paix, celui-ci est hors sujet. Et pourtant lui accorde plus d'importance qu'à mon premier. Paix, et le long j'enlace tous mes coéquipiers. Qui au sein de mon groupe semble à faire régner paix. À quand viendra la bombe, tu m'en verras outre-tombe. Mais je crois que j'ai déjà les pieds dedans. It was City with Fils de Cham. Then I Am with Petit Frère. They are from Marseille. And Supreme and TM, who are from the 93, like close to Paris, with Pay. Black history is today. Black history is tomorrow. Black history is now. Join KFAI for 24 hours of all Black programming on Saturday, February 27th, and hear from the Black folks in your community. Nothing but blue skies do I see. And now we're going to talk about the events. The first one I'm going to talk about started February 16th, but goes up to Sunday, February 28th, so it's coming up. It's with the French Institut Alliance Française. And it's La Boxeuse Amoureuse. It's with Arthur Ashe and Marie-Agnès Gillot. So I recommend that you go to afusa.org in the section event and you can check it out. Then the virtual Ciné Salon series present Paris on Film, and they already played quite a few because it started on January 12th, but it goes up to March 29th. So it's online, and there's no cost for the members of the French Institut Alliance Française, otherwise there's a small fee. Last week was Paris Belong to Us. This week is going to be Cléo de 5 à 7, Cléo from 5 to 7. Starts on Tuesday, February 23rd, and ends on Monday, March 1st. Agnès Varda eloquently captures Paris in the 60s with this real-time portrait of a singer, Corinne Marchand, set adrift in the city as she awaits test results of a biopsy. And there's more movies to come. Then, there was a French readathon, and it goes up to February 27th, so it's not too late. And it's organized by the Alliance Française of Calgary, and it's for kids. With each page read, funds will be collected and then given to the UNICEF program for a safe school. So I recommend that you go to our Facebook page and look at the Facebook event, and there's a link to the Alliance Française of Calgary, which is www.afcalgary.ca. On Wednesday, February 24th, at 7 p.m. CST, Rencontre avec Geneviève Breton. You can register, and there's also a Facebook event for it. And Geneviève Breton will present the Quebec and speak about the main differences between French from France and French from Quebec. Also on February 24th, at 4 p.m. CST, because it's organized by the Alliance Française of Greenwich, there's a movie, and it's the FFC Worldwide Wednesday, and the movie presented is 120 battements par minute, 120 BPM. It's from 2017, and it's a French drama, and the film is about homosexuality and AIDS activism of ACT UP in Paris in the 1990s. I've seen it, it's great. You should check it out. It was acclaimed in Cannes and went on to win 6 César Awards. Belgium is Hip is another event on the February 24th. It's at 5:30 CST. It's organized by the Alliance Française Rally-Durham Chapel Hill. And they're going to talk about Belgium and all the great things they have. On Thursday, February 25th at 5 p.m. CST, the French Cultural Center Alliance Française of Boston is presenting Ciné Club online discussion about Lupin. So in order to get the link for the last 3 events I talked about, I recommend that you go to afusa.org, because even though they're organized by different Alliance Française, the Federation have them on their pages. Also on Thursday, February 25th, but it's at 12 p.m. CST, there's a presentation by the Alliance Française of Chicago of Le Château des Coins. So if you're interested in castles and things like that, that's awesome. You can either go to af-chicago.org for their website. Otherwise, on Facebook, they have the event on their Facebook page, and we piggyback on it. So it's also on Bonjour Minnesota Facebook page. Then, on Friday, February 26th at 7 p.m. Central, webinar, Bouches-du-Rhône, what to buy, what to try. It's organized by the Alliance Française of Greater Phoenix. There's a small cost. I would recommend that you go on either their Facebook page or our Facebook page to look at the event. Otherwise, you can go to afphx.org/webinars. And to finish, on Saturday, February 27th, at 1 p.m. Central, it's organized by the Alliance Française of the Silicon Valley, and it's in French, and it's the Museum Pompidou that give a tribute to Henri Matisse. There's a cost, and if you want to register, you can go again to the afusa.org, the event section, and this one is Matisse au Musée Pompidou. And that's it. And now back to the music. Now we're going to listen to Henri Salvador with Syracuse, a very famous song from him, live au Casino de Paris, which is a live venue. Then Stromae with Bâtard, which means bastard, and it's a song about, you know, where people are coming from, and, you know, everybody's coming from somewhere, pretty much. And some people are making fun of other people, but really, everybody's in some boat. Then Slimane with Si on est deux, if we are two, featuring Camille Lelouch. J'aimerais t'en voir, Syracuse. L'île de Pâques et Kérouan et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent, voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama, rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama, voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter

de plus ou une nuit, une seconde ou bien la vie. Laisse-moi me perdre dans tes bras, me faire du mal si ça me va. Ne dis plus rien, ce serait trop, ou crie plus fort tes idéaux. Sois différent, sois pas comme eux, on est plus fort si on est deux. C'est toi sans moi et moi sans toi. C'est moi sans foi et toi sans moi. C'est toi sans moi et moi sans toi. C'est toi sans moi. Si on est deux, si on est deux, si on est deux, on est plus fort. Si on est deux, si on est deux, si on est deux, on est plus fort. Si on est ça n'en vaut pas vraiment la peine. On se regarde, tu ne me vois plus. Tu me jures, je ne te crois plus. Le lit est froid, je compte les heures. Nos beaux souvenirs, ma belle erreur. Sois différent, sois pas comme eux. On est plus fort si on est deux. C'est toi sans moi et moi sans toi. C'est moi sans foi et toi sans moi. C'est toi sans moi et moi sans toi. C'est toi sans moi. Si on est deux, si on est deux, si on est deux, on est plus fort. Si on est deux, si on est deux, si on est deux, on est plus fort. Si on est par la nuit, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. It was Henri Salvador with Syracuse, Stromae with Bâtard, and Slimane with Si on est deux, featuring Camille Lelouch. Now we're going to listen to Vita, Vita who did an album called Versus, completely with Slimane. And this song is Hasta la Vista, and it's featuring Gims. Then we're going to listen to Soprano with a song called Hero, or Son in Spanish, featuring Indila. It's from his album La Colombe et le Corbeau. Then we're going to listen to Gims with Oje na Oje from his latest album called Le Fléau. J'ai fini par me rendre à l'évidence. Quand moi je pleure, toi tu danses. J'aimerais tellement savoir à quoi tu penses, à qui tu penses. J'ai pas l'envie, j'ai pas le goût. Y'a plus d'amour, y'a plus de nous. Et toi tu m'avais déjà fait le coup. Y'a plus de nous. Tu sais comment on se sait, comme tu vas le regretter. Tu sais ce que t'as fait, je ne pourrais pas l'oublier. Hasta la vista, je l'ai crié sous la lune. Hasta la vista, mon ami d'infortune. Ne te tu te

It was Aya Nakamura with Pookie, Black M with Frérot, and Ben L'Oncle Soul with A Coup de Rêve. Now we're going to listen to Terry Moise with Je Serai Là, I Will Be There, meaning I'll Be There For You. Then Yannick Noah with La Voix des Sages, No More Fighting, which can translate by The Voice of the Wise, No More Fighting. And Laurent Voulzy with Belle Île en Mer, Marie Galante. Toujours pour toi, et Dieu le Je ne crois plus à mes rêves ou que je vis ceux des autres. Quand moins souvent mon poing se lève, que je ne suis plus des vôtres. Quand j'oublie ce que je crois, il me redonne la foi. Alors j'entends, j'entends, j'entends la voix des sages. Et je chante avec eux. Regarde ce détour. Je préfère ne pas savoir et que mon âme devienne sourde. Quand j'oublie ce que je dois, il me remonte la voix. Alors j'entends, j'entends, j'entends la voix des sages. Et je chante avec eux. Un peu solitaire, l'amour je le vois. It was Terry Moïse with Je Serai Là, Yannick Noah with La Voix des Sages, No More Fighting, and Laurent Voulzy with Belle Île en Mer, Marie Galante. Okay, well, thank you very much for listening. Merci à tous. I will be with you again next week. Like every week. From 8 to 10 on Tuesday on KFAI Radio and online streaming on kfai.org. And stay tuned for Balkan Jamboree with Nicolai. Yes. Au revoir. Good night.